les mots en kite, comme gemütlichkeit, et ceux en height et onk sont toujours associés à die, qui correspond à l'article la. Et cette association des mots en kite, height et onk avec die me rappelle les remarques de l'américain Mark Twain, qui trouvait étrange la manière dont la langue allemande attribuait ces trois genres, masculin, féminin et neutre, qui correspondent respectivement aux articles der, die et das. Par exemple, figurez-vous qu'un enfant, en allemand Kind, K-I-N-D, Kind, sera associé non à der, non à die, mais à das. On dit das Kind. Das Kind est de genre neutre. Pensez maintenant au mot femme. Vous vous dites que certainement le mot pour désigner une femme est associé à die, donc au féminin. Eh bien, pas nécessairement. En allemand, la jeune fille, Mädchen, est d'abord neutre, das Mädchen. Puis, das Mädchen finit par grandir et devenir une Fräulein, une jeune femme. Alors, vous vous dites, ça y est, elle y est arrivée, c'est une femme, au féminin. Mais non, Fräulein est toujours neutre, das Fräulein, das Fräulein. Enfin, elle devient une femme, et là oui, elle est enfin associée à die, die Frau. Frau, c'est donc un féminin, alors que Fräulein est neutre. Et oui, cette manière d'attribuer les genres ne cessait de surprendre Mark Twain. En réalité, il y a bien en allemand différents genres comme en français, sauf que l'allemand admet en plus du masculin et du féminin une forme neutre et que l'attribution de ces genres est déterminée par la terminaison du mot et par l'usage. L'armée se dit « die Armee », c'est donc un nom féminin. Polizei, de même, « die Polizei » est féminin. D'une manière générale, tous les mots finissant en « chen » ou « lein » qui indiquent des diminutifs sont associés à « das ». Par exemple, « das Tischchen », la petite table, qui vient de « der Tisch », la table. La jeune fille, nous l'avons vu, c'est Mädchen, qui a son origine dans Magd, die Magd, la servante, die Magd. Mais la petite servante, Mädchen, c'est une jeune fille. Die Frau, c'est la femme, mais la petite femme est de nouveau de genre neutre, das Fräulein. Et maintenant, il y a une autre particularité de l'allemand dont je voudrais vous parler. Le vin en allemand, c'est Wein, comme sein, mais avec un V qui s'écrit W. Eh bien, pour dire « j'aimerais un verre de vin » en allemand, vous direz « j'aimerais un verre vin » et non un verre de vin. Donc, « ich möchte ein Glas Wein ». Bien, « ich möchte ein Glas Wein ». Comment diriez-vous « j'aimerais un verre de vin blanc » qui en allemand se dit littéralement « un verre blanc vin ». Blanc comme la petite fleur des Alpes. « Ich möchte ein Glas. Ich möchte ein Glas Weißwein. Ich möchte ein Glas Weißwein. J'aimerais un verre de vin blanc. » Et vin rouge se dit « Rotwein. Alors comment diriez-vous « j'aimerais un verre de vin rouge » ?« Ich möchte ein Glas Rotwein. » »« Ich möchte ein Glas Rotwein. » Comment diriez-vous « il me faut un verre de vin blanc » c'est-à-dire « j'ai besoin d'un verre de vin blanc. » »« Ich brauche... » Ein. Ein Glas Weißwein. Bien. Ich brauche ein Glas Weißwein. Oui. J'ai une petite question. Oui. Comment dites-vous excusez-moi? Entschuldigen Sie bitte. Essayez de le dire à votre tour. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie bitte. Vous pouvez aussi dire Verzeihung. Verzeihung. Verzeihung. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen, le mot est intéressant. Entschuldigen Sie, bitte. Littéralement, ça veut dire « disculpez-moi, s'il vous plaît ». Le mot « entschuldigen » est formé comme l'équivalent français. Il comprend « die Schuld », la faute, qui en latin se dit « culpa », mais en allemand « Schuld », faute, comme dans « Schuld haben », être fautif, littéralement « avoir faute ». Le mot « Schuld » est très employé en allemand, par exemple dans l'expression « Es ist nicht meine Schuld ». Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Es ist nicht meine Schuld. Quant au ent de entschuldigen, c'est un préfixe qui, comme le dis de disculper en français, indique que l'on retire quelque chose. Entschuldigen Sie bitte. Excusez-moi s'il vous plaît. Félicitations. Vous êtes parvenu au terme d'une introduction très stimulante qui vous a permis d'acquérir en très peu de temps un temps qui se compte en heures et non pas en semaines, en mois ou en années, une vision pratique et fonctionnelle de la langue allemande. Vous avez également eu l'occasion d'apprendre suffisamment de vocabulaire utile. Cette introduction vous a permis de mieux comprendre la langue et d'apprendre à formuler vos pensées en vous exprimant avec vos propres phrases, et non des phrases apprises par cœur. Vous avez également acquis un sens du vocabulaire et l'aptitude à reconnaître dans la richesse de la langue allemande les influences germaniques et anglo-saxonnes, et les mots d'origine française ou latine. Vous ne devriez donc pas rencontrer de difficultés pour vous exprimer, ce qui vous permettra d'éprouver ce sentiment d'excitation que l'on a lorsqu'on parle dans une autre langue. En pratiquant ainsi l'allemand, par la conversation et la lecture, vous verrez combien vous pouvez enrichir votre vocabulaire, et comme c'est stimulant. J'espère que vous aurez pris un grand plaisir à apprendre avec nous. Sachez enfin que cette méthodologie unique peut être appliquée à l'apprentissage des langues, mais également à tout autre apprentissage. Bonne continuation !